Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante jusqu'à 14h sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Quartier de Meydan, à Mossoul, en Irak. Là où s'est jouée en juillet 2017, la fin de la guerre urbaine la plus brutale de notre époque. Le dernier carré du dernier combat contre Daesh. Il y a des siècles, écrasés là. Il y a l'odeur de mort, de la viande pourrie qui tourne chaque heure un peu plus. 8 mois après, les corps de Daesh et les civils emportés avec eux sont toujours là. Il y a les signes de leur vie, de leurs derniers instants. Il y a les restes de notre guerre. Des mines, des engins non explosés et toutes ces merdes qu'inventent les combattants. Il y a des pierres de toutes tailles, de plus en plus petites, jusqu'à la poussière onctueuse, poudreuse d'hommes. La guerre est finie à Mossoul. Et maintenant ? Cette semaine, Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. Anne Poiret, rebonjour. C'est notre dernier épisode aujourd'hui. Nous allons parler de votre nouvel opus, nouveau documentaire. Moi, j'ai un titre, c'est « Reconstruire Mossoul ». Je ne sais pas si c'est celui-là, parce que j'ai vu un autre titre sur le générique. Alors, il a changé. C'était un titre de travail, « Reconstruire Mossoul », et il s'appelle désormais « Mossoul après la guerre ». Bon, mais « Reconstruire Mossoul », je vais prendre votre dernier, alors. Mais avant que nous ne venions à ce dernier film, et parce qu'une scène au tout début de celui-ci m'y a fait penser... Une scène où votre caméra déambule au milieu de monceaux de pierres, de gravats, qui étaient autrefois, tel qu'on peut l'imaginer, lieu de vie, trottoir, chaussée, commerce, café. Et là, il n'y a plus que des ruines. Et on déambule au milieu de ces ruines. Et vous faites le choix, en tant que réalisatrice, d'une absence totale d'accompagnement musical. Alors j'aimerais bien que nous parlions musique. Quelle place la musique tient dans votre travail ? De la musique d'ailleurs, on en voit, on en entend plus exactement après dans le documentaire, elle est signée Olivier Adelin, je ne sais pas comment son nom. Adelin. Alors, quelle place tient la musique dans votre documentaire ? Est-ce que vous travaillez avec les mêmes compositeurs ? Est-ce que vous demandez toujours de la musique originale ? Alors, on a parlé des équipes, des producteurs, des gens dans les chaînes, du monteur, des monteurs, du chef opérateur. Et effectivement, on n'a pas parlé de la musique. Depuis 12 ans maintenant, je travaille avec Olivier Adelin, qui compose la musique de quasiment tous les documentaires que je réalise. Olivier, c'est très particulier parce qu'il vit pas à Paris. Donc je lui envoie souvent le texte, le projet écrit. Mais ce qui marche mieux, c'est quand je lui parle du tournage et quand il voit quelques images. Mais parfois il vient même pas, même en parlant en fait avec lui, il envoie une musique qui est toujours extrêmement pertinente et extrêmement belle, je trouve. Pour Mossoul, j'avais fait le choix de lui demander de retravailler sur une musique qu'il nous avait composée pour la Syrie au moment de la chute d'Alepest, qui illustrait à un moment donné particulièrement brutal de bombardement. d'Alep Est, et je voulais repartir de ce moment-là, puisque voilà, pour être dans cet après, c'est-à-dire à Mossoul, où une fois que les armes, que ces bombardements, qui sont dans un contexte très différent évidemment, ont cessé, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et donc on est parti de cette musique-là, et il a recomposé de la musique à partir de là. Vous-même, vous écoutez beaucoup de musique? Si, mais comme tout le monde, pas particulièrement, malheureusement. J'ai l'impression de ne plus avoir assez de ce temps-là. Mais... Et l'autre partition, le texte, celle dont vous êtes directement chef d'orchestre et qui est de votre responsabilité, de votre plume, vous pouvez nous en parler? Le commentaire au départ, pour ce documentaire Mossoul après la guerre, il n'avait pas particulièrement été question de ne pas mettre de commentaire. C'était pas un choix dogmatique comme ça. On s'est pas dit au départ on va pas mettre de commentaires. C'est-à-dire que pour Mossoul, c'est tellement compliqué la situation sur place politique. Soit on explique tout et c'est passionnant. Hein, ça fait un documentaire très très intéressant parce que la situation est entre effectivement les années avant Daesh qui a permis l'arrivée de Daesh entre 2003 et 2014, entre la période Daesh qui a été cette espèce de trou noir où on a très peu su ce qui se passait sur place, la guerre elle-même, la fin de la guerre qui a quand même été quelque chose d'extrêmement assez très très spécial, très particulier dans le Mossoul Ouest et la vieille ville, et puis les premiers mois, le rapport avec l'État irakien, les milices chiites, les Kurdes, voilà, et il faut tout expliquer. Soit on prend le parti de faire sentir, de faire ressentir, donner la parole aux gens de Mossoul, et de faire ressentir en fait les choses, et donc on n'explique rien, et on a fait ce pari que les gens peut-être n'apprendraient moins par ce documentaire que leur lecture à côté, mais que ça leur donnerait peut-être envie, par les émotions qu'ils auraient ressenties en voyant ce film, de s'intéresser à Mossoul. Mon fils était de l'État islamique. Je n'ai pas les mots. C'était une vie de rêve. L'État islamique a dirigé Mossoul pendant 3 ans. Tous y avaient un fils, un neveu, un cousin. En 3 ans, les 3/4 de Mossoul l'avaient rejoint. Donc nous sommes encore très nombreux. Sur toutes nos maisons, ils ont écrit Daesh dès le début. Même si on l'efface, les gens se souviendront à qui elles ont appartenu. Les enfants ne vont pas à l'école, c'est interdit. Ils sont privés de tout, même de leurs droits les plus simples, comme avoir une carte d'identité. Même les ONG refusent de nous recevoir. J'ai emmené mes petits-enfants qui sont orphelins pour qu'une avocate leur établisse un certificat de naissance. Elle nous a chassés dès qu'elle a découvert l'identité de leur père. Elle a dit que nous n'aurions jamais d'aide, que nous irions en enfer. Mais de quoi ces enfants sont-ils coupables? Nous sommes humiliés. On vivait dans la gloire et maintenant on est soumis. C'est insupportable de voir ces drapeaux à Mossoul maintenant. Ils représentent l'Iran et les chiites. Ils sont à la gloire d'Hussein et d'Ali, alors qu'on est sunnites. Ils prétendent se venger au nom de leur confession. Mais ils se vengent des sunnites, c'est de la vengeance. Désormais, les gens de Daesh peuvent obtenir des certificats de décès, mais il faut payer. Pareil pour les actes de naissance. Celui qui a de l'argent peut tout faire. Bien sûr que nos enfants se vengeront. Ils vont grandir et la haine grandira en eux. Ce que je veux, c'est que l'État islamique revienne. C'est mon unique souhait. J'espère qu'ils reviendront un jour. C'est écrit dans le Coran. Le djihad continuera jusqu'à la fin des temps. Ils ont été vaincus à Mossoul, mais ils ne le seront pas ailleurs. Une militante anonyme de Daesh, extrait de Mossoul après la guerre, le prochain documentaire d'Histoire vivante à découvrir ce dimanche sur RTS2. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. À Paris, il y a quelques années de cela, en 2015, si je me souviens bien, s'était tenue à l'auditorium du Louvre une série de journées consacrées aux ruines. Aux ruines, beaucoup plus en termes de paysage symbolique et romantique même, puisque le 19e siècle a vu un grand nombre de tableaux revenant sur ce sujet. Comment vous est venue l'idée de travailler la ruine, puisqu'elle prend dans ce documentaire qu'on verra dimanche soir une place extrêmement importante? On est beaucoup au milieu des gravats. Je crois que c'est pas forcément une décision. Mossoul Ouest, c'est la vieille ville. Quand on travaille à Mossoul, on y est allé donc trois fois. À chaque fois, on est resté une quinzaine de jours. C'est un endroit qui est extrêmement particulier dans Mossoul. Donc Mossoul n'est pas entièrement détruite, hein, il faut bien le préciser. Mossoul Est est quasiment intact, a quasiment été épargné par les bombardements massifs. Ils ont, la coalition dont la France a fait partie, a bombardé des endroits stratégiques, l'université, les endroits de pouvoir, et l'État islamique a reculé assez vite finalement dans Mossoul Est. Donc il y a eu cette manœuvre d'encerclement où ils ont coincé les derniers combattants dans Mossoul Ouest, et notamment dans la vieille ville. Et là, ça a été très très long à reprendre. Et c'est vrai que c'est un endroit, quand on se rend sur place, c'est un endroit qui est extrêmement particulier. Moi, j'avais jamais vu un endroit dévasté comme ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre où votre intellect n'arrive pas à comprendre comment on arrive à détruire comme ça. C'est-à-dire que vous imaginez hein, les roquettes, les bombardements, vous avez ces images en tête, vous connaissez l'histoire des derniers jours, tout ça. Mais on ne peut pas arriver à ça. Mais qu'on arrive à ça, à ce degré de poussière en fait, votre esprit bute là-dessus. Et par ailleurs, la première fois qu'on se rend à Mossoul Ouest, ça vient d'être ouvert parce que pendant plusieurs mois, ça a été interdit d'accès pour des raisons de sécurité officiellement, officieusement, parce que les milices se sont énormément servies dans les maisons et donc ont volé énormément de choses. Pendant 8 mois, les gens qui pouvaient prouver que légalement leurs membres de leur famille n'étaient pas un des gens de Daesh ont pu récupérer les corps des civils qui étaient enfouis dans les ruines. Et donc, par défaut, tous ceux qui étaient des Daesh n'avaient pas été sortis. Et donc, le premier tournage, en fait, se fait avec ces bulldozers qu'on voit ouvrir dans le début du film les rues, comme ça, et se fait dans une odeur absolument indescriptible, avec des morts, des cadavres absolument partout, qui ne sont pas sortis parce que globalement, Daesh sont des chiens, donc on ramasse pas un chien crevé, quoi. Ce qui politiquement est extrêmement inquiétant pour la suite, parce qu'évidemment c'est comme ça que les cycles des vengeances s'amorcent, cette espèce d'irrespect total pour le corps humain en fait, et la dépouille humaine qui est quelque chose d'une sortie de l'humanité quand même. Et voilà, donc c'est un endroit qui est comme quelque chose de très magnétique en fait dans Mossoul, et où c'est pas vraiment un choix de filmer ces ruines, c'est qu'on y retourne. À chaque fois qu'on est en ville, on est happé. Dès qu'on y va, on rencontre des gens qui ont des histoires ahurissantes, et donc on s'attache à eux et on les écoute. Et donc on a fait le choix de suivre quelqu'un qui est un fil rouge, qui a été mandaté par le gouvernement irakien pour coordonner l'aide internationale, notamment qui est supposée être apportée à Mossoul, qui arrive, hein, et on peut pas, faut pas dire que la communauté internationale ne finance rien, mais enfin très mal en tout cas, très pas assez. Et on le suit tout au long de l'année dans ses démêlés avec le gouverneur, voilà, qui est quelqu'un de plutôt corrompu et qui n'est pas ne fait pas vraiment avancer les choses de la même façon. Enfin bon, voilà, c'est tout ce que raconte le film. Mais pour les autres personnages qui étaient notre, pour moi, ma matière prioritaire, c'est donner la voix à des gens de Mossoul, le choix est absolument cornélien, parce que on parle à quelqu'un à Mossoul, les gens ont des histoires. D'abord, tout le monde se met au bout de 3 minutes, notamment en mars, tout le monde pleure, tout le monde a besoin de parler et a des histoires bouleversantes qui sont très très proches. Parfois, des gens sont aujourd'hui dans des situations complètement délirantes, sont à la recherche de proches qui sont. Il y a énormément de disparus à Mossoul. Il y a beaucoup de gens qui on ne retrouve pas la traite, ce qui est propre à toutes les guerres, hein, mais à Mossoul, c'est particulièrement aigu parce qu'il y a tous les disparus de Daesh, plus tous les disparus des combats. Et donc, tous les gens qu'on rencontre, que ce soit des gens qui ont des histoires actuelles, que ce soit des gens qui ont des histoires ahurissantes pendant la fin de la guerre, ou sous Daesh, ou avant Daesh, le personnage principal, donc le docteur Al-Rayad, qui est chargé de la coordination, par exemple, c'est une figure de la ville, c'est un grand chirurgien, un patron d'université. En 2007, il a été laissé pour mort, avec 17 balles dans le corps, il a resté 3 mois de coma. Il fait partie de cette élite, comme ça, qui a été complètement décimée par les organisations djihadistes avant Al-Qaïda et qui étaient présentes à Mossoul. Donc les gens ont des histoires complètement ahurissantes, fascinantes. On se rend compte que Mossoul, effectivement, ça n'a pas été qu'un trou noir que pendant l'époque de Daesh. On a très peu entendu parler de Mossoul en réalité parce que c'était déjà un coupe-gorge pour les étrangers. Donc il y avait très peu de gens, très peu de journalistes qui se rendaient à Mossoul, très peu de paroles qui sortaient de Mossoul depuis 2003. Et donc il y a tout ça qu'il faut documenter. Et c'est vrai que c'est très bouleversant d'avoir des choix à faire en fait dans ces paroles. Anne Boiret, vous travaillez avec une équipe ce nouveau documentaire. Autour de Mossoul, rappelez-nous-en le titre, s'il vous plaît. Mossoul après la guerre. Vous dites y revenir plusieurs fois, or l'on voit à chacune de vos images, dans chacun de vos plans, des gens, des locaux, des autochtones, avec des mouchoirs sur le visage, des masques, tant à l'évidence, les odeurs sont absolument insupportables, asphyxiantes. Ça, quand on réalise, quand on est à la tête d'une équipe de tournage, il faut peut-être aussi le gérer. Est-ce que ça a été compliqué ? Oui, alors c'est particulièrement fort en mars, quand on commence le tournage. Quand vous commencez le tournage. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils ouvrent. À ce moment-là, plusieurs équipes de médias arrivent et font le même constat que nous, c'est-à-dire il y a des corps partout, des corps d'enfants, des corps de femmes qui sont sur lesquels la municipalité a interdit aux équipes de les ramasser, c'est-à-dire qu'il y a vraiment donc évidemment ça fait quand même un espèce de bins Amnesty s'en mêle, enfin donc bon, il y a quand même un espèce de truc qui est fait, ils sont ramassés, on ne sait pas où ils ont été emmenés, on ne sait toujours pas combien de gens sont morts et combien de gens sont toujours disparus. Il y a des approximations de chiffres, mais en fait, on ne sait pas très bien. Quand on y est retourné en juin et puis en décembre, il y a toujours des corps. C'est-à-dire que les gens vous disent, oui, là-bas, il y a un corps, oui, là-bas, voilà. Mais c'est plus aussi évident. Et donc, c'est pas dire que ce soit géré, mais c'est plus aussi présent. Et les odeurs sont plus... il y a plus cette espèce d'asphyxie qu'on mais bien sûr, c'est évidemment un souci pour les équipes, la responsabilité qu'on a de traverser ça. Mais bon, c'est surtout les gens qui vivent là, quoi. Donc et qui essayent de revenir, de ce que ça veut dire. Voilà, à la fin, il y a une scène. Parce que ça c'était pas présent quand on y est allé la première fois. Il y a des groupes d'enfants, puisque bon, on sait que les gens de Daesh sont notamment dans des camps autour de Mossoul et c'est une bombe à retardement pour les années à venir. Mais il y a aussi beaucoup de gens de famille qui sont encore dans la ville et qui sont des fantômes. Ils ont le droit à rien, ils sont mis de côté, les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école. Alors, on ne sait pas exactement ce que les enfants qu'on a filmés, ce qu'ils sont, parce qu'ils vous le disent pas, évidemment. mais on peut imaginer que ce sont des gens qui n'ont pas le droit d'aller à l'école ou qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école pour, parce que leur père ne peut plus trouver de l'argent ou parce qu'ils n'ont plus. Il faut imaginer des enfants avec des sacs, voilà, en train de ramasser. Voilà, une dizaine d'années. Et donc en décembre, ce qui n'était pas le cas avant, il y a ces hordes d'enfants qui grouillent en fait au milieu des pelleteuses en fait qui sortent des cadavres, des voitures qui étaient dans des voitures explosées, enfin, sous cet amas, voilà, où encore une fois quand on voit ces lieux, on ne comprend pas comment ce qu'un même un bombardement a pu créer ça, parce que des voitures au-dessus des immeubles, des immeubles enfouis dans sous des amas de terre, c'est voilà, très compréhensible. Et donc quand les pelleteuses se retirent, les enfants vont chercher des morceaux de cuivre. En fait, ils récupèrent les fils électriques qu'ils revendent probablement à des mafias qui sont liées aux milices. Enfin, bon, tout ça est assez compliqué à prouver, mais qui font brûler les câbles et ils vendent le cuivre. Et donc, et eux, effectivement, quand on les voit, ils marchent dans ces ruines et effectivement, ils disent tiens, il y a un corps là, tiens, il y a un bout de pied, voilà. Tiens une grenade, tiens une mine, voilà. Et bon, voilà, c'est alors encore une fois, c'est une partie de Mossoul, hein, c'est vraiment la vieille ville, c'est très localisé, il y a une partie de la ville qui fonctionne complètement presque normalement. Il y a un mort là. Il y a un pied là-dedans. La question la plus importante est la suivante, soyons sincères. Est-ce que quelque chose est entrepris pour reconstruire l'homme ici ? Rien n'est fait de conséquent et d'efficace sur le long terme. Pour former les jeunes, développer leurs capacités, et pour émanciper les femmes, rien. Les souffrances des habitants ne sont pas prêtes de cesser. Cela me rend vraiment triste. Ils disent tous que c'est à cause de ces enfoirés de Daesh. Mais qui prendrait les responsabilités de tout ça? Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de vivre? Pourquoi Mossoul a subi tout ça? Je ne comprends pas pourquoi Mossoul. Un habitant anonyme de Mossoul, extrait de Mossoul après la guerre, le prochain documentaire d'histoire vivante à découvrir ce dimanche sur RTS2. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Anne Poiret, réalisatrice et journaliste d'investigation. Actuellement, qui reconstruit Mossoul ? Les Nations Unies, certaines agences, le PNUD, l'UNESCO. L'UNESCO essaye, ils en ont fait un projet phare. Bon, c'est pas très visible ce qu'ils font aujourd'hui. De ce qu'on a pu documenter, ce qui était leur principal projet, par exemple, qui était la mosquée Al-Nouri, qui a été de 1170 à peu près. Voilà, qui a été dynamitée là où Al-Baghdadi avait déclaré le califat. Donc c'est un endroit très très symbolique. Qui a été le minaret a été dynamité. Et donc ils sont chargés, ils ont des financements pour le coup qui datent d'ailleurs d'avant Daesh, à vrai dire, ce sont les Émirats Arabes Unis qui vont financer ça. Quand nous on les a filmés entre juin et décembre 2018, ils n'en étaient toujours pas à trouver le moyen de déminer, d'avoir le contrat avec une organisation de déminage, en l'occurrence les Nations Unies. Également des Nations Unies, en sachant qu'une partie a déjà été déminée, c'est-à-dire que bon, c'est pas fait quoi, c'est pas gagné. Bon, l'État irakien pendant plusieurs mois n'a pas mis d'argent. Ça a été extrêmement douloureux pour les gens de Mossoul qui se sentaient, qui avaient l'impression que Bagdad, la chiite entre guillemets, le gouvernement se vengeait sur la population sunnite de Mossoul et donc les laissait dans cet état-là et n'investissait rien dans la reconstruction. Ça a aujourd'hui un peu changé. D'abord, il y a une prise de conscience qu'il y a un gros problème en fait, qu'il faut s'en occuper parce que ça va. Parce que c'est un risque de ne pas s'en occuper. De pas s'en occuper. Les États, la communauté internationale, entre guillemets, n'a pas rien fait. Elle donne de l'argent, l'Europe donne de l'argent, la France a fait certaines choses, à l'université, bon. Mais c'est pas du tout la réponse que les Mossouliotes attendent. C'est-à-dire, y a pas, ce symbole que l'État islamique a fait à Mossoul, les diplomates d'ailleurs européens vous le disent hors caméra, ils disent on aurait pu en faire un symbole comme le califat, comme l'État islamique a fait un symbole de cette ville, et on est passé à côté. Une femme voilée témoigne à votre caméra et à vos micros d'une supplique pour que Daesh revienne coûte que coûte. Ben, il y a des populations, je vous le disais, il y a des populations qui sont dans des camps et qui n'ont pas vraiment le droit de revenir et qui sont des gens affiliés à l'État islamique, aux familles. Et puis il y a des camps qui sont des gens qui sont dans la ville, qui sont liés, qui sont des familles de l'État islamique. Et nous, on a voulu effectivement discuter avec une de ses membres, dont c'est une femme dont trois de ses fils sont morts dans la bataille de Mossoul. Trois fils étaient des émirs de l'État islamique, deux sont morts dans les derniers combats dans la Mossoul Ouest, et un a été arrêté, a disparu, on ne sait pas où il est. Elle, c'est vraiment une dure, elle a soutenu l'arrivée de l'État islamique. Et c'est intéressant d'écouter pourquoi ils ont accueilli l'État islamique. C'est des gens qui vivaient pas à Mossoul, qui vivaient dans les villages, qui sont très liés, qui sont des zones tribales, qui ont été interdit d'accès à Mossoul pour les services publics. C'est-à-dire qu'elle vous dit qu'avant l'État islamique, on ne pouvait pas rentrer dans Mossoul pour faire soigner nos enfants parce que les checkpoints chiites nous empêchaient de rentrer. Donc, et ce qu'on comprend de son discours, alors bien sûr, il y a la religion, bien sûr, il y a une forme de fanatisme religieux, mais il y a aussi une demande de services publics, c'est-à-dire une demande d'hôpitaux, une demande d'école, une demande de une route, demande d'État. Une demande d'État, de services publics. De services publics. De services publics. Et ce qui est préoccupant pour l'Irak, et pas que à Mossoul, hein, parce que c'est pareil à Bassora, il y a eu les émeutes liées à l'eau, les services publics sont encore extrêmement faibles et sont pour beaucoup d'endroits tout à fait... ne sont pas revenus. Et ça c'est une demande profonde et qui est très universelle, hein, de services publics. C'est-à-dire que cet État, qui n'est pas un État pauvre, hein, il y a quand même énormément d'argent, de pétrole, que l'État investisse dans les services publics. Vous nous redonnez le titre de votre documentaire. Mossoul après la guerre. Alors, Anne Poiret, on aura passé la semaine ensemble à évoquer vos travaux. Merci. Je le disais en début de semaine, c'est vrai que vous choisissez quand même des sujets souvent sombres. Le dernier particulièrement est loin d'être joyeux, même si effectivement on se tourne vers de l'espoir quand il s'agit quand même d'être après les ruines et après les gravats. Et même si une grande partie de votre documentaire se tourne au beau milieu de ces ruines et de ces gravats, mais l'espoir est devant. Vous avez déjà des projets en tête à venir ? Non, je réfléchis. Réfléchissez. Ouais. Combien de temps il vous faut entre deux tournages ? Parce que vous n'allez pas dans la facilité quand même. C'est plutôt combien de temps il faut pour les vendre en fait. C'est plutôt combien de temps ça prend parfois pour les chaînes à décider. Et c'est un processus qui est très long. Et donc voilà, après il faut... C'est pas tellement le rythme, c'est peut-être la maturation d'une idée. Il faut qu'elle, quelque chose qui soit abouti, et on ne présente pas à une chaîne quelque chose qui ne l'est pas encore. Donc, on s'en voudrait de vous déranger davantage. On vous laisse à votre maturation. Merci. Merci.